yaptığını yani aklına uyarlar mesih En te réveillant au milieu des gravats, des bruits sourds, des débris, des obus, des éclats, tu penses que jamais tu t'habitueras à l'odeur de la poudre, de la mort, des combats. Dans ton quotidien, faut pourtant supporter ça. Ton père et ta mère sont très loin de toi, partis en voyage vers Allah. Ton seul trésor aujourd'hui c'est la foi, en ta religion tes espoirs tout est là. Il faut que tu sois prêt quand on te tuera. Cette lumière dans tes yeux, c'est un peu d'énergie. Qui te reste pour tenter de rester en vie? Être sur tes gardes, de jour comme de nuit. Voir dans le noir, ne pas être surpris ou pris. Attentif à tout, on se bat en Syrie. Tu as pu échapper au combat plus d'une fois, aux fanatiques armés, aux hommes de guérilla, à l'armée de Bachar, aux hommes de l'État. Même si les sentiments se font rares ici-bas, dans ton cœur c'est la paix que tu portes en toi. Il t'arrive de rêver au pays loin d'ici, aux enfants s'amusant dans les jardins fleuris, entourés des parents et de tous leurs amis, penser entre les balles mêlées aux cliquetis, des blindés ravageants, les sols pleins de débris. Cette lumière dans tes yeux, c'est un peu d'énergie. Qui te reste pour tenter de rester en vie? Être sur tes gardes, de jour comme de nuit. Voir dans le noir, ne pas être surpris ou pris. Attentif à tout, on se bat en Syrie. Toi qui n'as que 12 ans et rien autour de toi, des jardins de poussière poussent ça et là. Tes amis sont partis, morts pour rien en tout cas. T'as l'impression que jamais tu t'en sortiras. C'est très dur d'être un enfant dans ces régions-là. Ta tendresse et tes larmes se sont évanouies. Au jour le jour tu vis comme un gosse en Syrie. Ton avenir compromis à Damas est ainsi. Demain on verra, mais c'est aujourd'hui qu'on vit. L'inquiétude et la peur sont devenus tes amis. Cette lumière dans tes yeux, c'est un peu d'énergie. Qui te reste pour tenter de rester en vie? Être sur tes gardes, de jour comme de nuit. Voir dans le noir, ne pas être surpris ou pris. Attentif à tout, on se bat en Syrie. Cette lumière dans tes yeux, c'est un peu d'énergie. Qui te reste pour tenter de rester en vie? Être sur tes gardes, de jour comme de nuit. Dans le noir, ne pas être surpris ou pris. Attentif à tout, on se bat en Syrie.